carré quasi psycho. J'ai des visions belles et buts me crapotant le cerveau. Oublie le sens commun, je marche en ville, rétine éclatée, hyène indélébile pour ces ânes battés. Perte de contrôle, prise de conscience démoniaque. Je réveille les M6 et les noix dans l'ammoniaque. Je tranche des veines au cutter, oublie ta pudeur, tu te défends mais c'est peine perdue du vuleur. Ah, je rappe en titubant flow, slalom, les gros bonnets, ça donne ici, je donne autre chose pour que ça cogne. T'es un pan scène, je laisse tracer l'extase et rap dingue, genre roi paranoïaque en fin de rêve. Appelle-moi Ben Laden, je viens exploser ton crew. Après tout, c'est normal que t'aies la haine, tu fais de la peine. Il faut que t'écoutes, il faut que t'apprennes, que tu te rappelles de ce flow de fou, que tu te souviennes ces fois où t'avais de la merde jusqu'au fond du fut. Qui tu traites de fils de pute, fils de pute, vise le flow, ferme ta gueule, laisse Godier te montrer c'est quoi un vrai rappeur. Depuis le début, on savait qu'on irait loin, comme le gros, on met des buts de la main comme la poulga. Par contre, rap plus fort, on t'entend pas, même ton micro t'entend pas. Sérieux, t'es sérieux, rends-toi utile, fais un ton car, roule un U. J'ai dit roule, pas fume, fais girer. J't'aurais fait smoke si comme le loin, j'ai le poing, j't'ai déchiré. Et yo, j'débarque complètement chirdé. Avec mes sapcrades, c'est grave, mec, ça me gâche. J't'embarque dans le lire des, j'suis trop saoul, ça me rend saoul. Verbal barbarie, on part de Paris en Burberry avec nos barbes horribles. On barre nos rimes en harmonie, notre harmonie, une arme qui parle aux filles. Le paroxysme de ma folie, tu te marolis. Déclin, pose, on charrie, genre plein de gosses. Clinquant, plein pot, complètement des gringos, un malade mental. Avec un entonnoir comme casquette paranormale. Sur le beat, j'me balade normal. J'te lâche un bon quichotte, frappe moulin, appelle-moi Don Quichotte. N'est que le darbage, tarbé, égay et con quichotte. Ça me rend malade que quelqu'un me mette en HP. Je me balade entre les tasse-pés et les casse-pés. J'suis pas net, tu trouveras pas deux sur la planète. Des cassos, mes cassos se tapent pour des pesos. Des sales gosses, fais pas le boss, nos rimes comme des coups de crosse. Brrr. On te la fait à l'envers comme les criss-cross. Le beatman c'est oh, il prêt à mouiller le tricot. J'en place une pour mes négros, les babtous et les picots. Y'a du sky dans mon stylo. Mes rimes se disent-ils. Et quand des fous se parlent, mes gosses se disent-ils.